Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Charles MacDonald. Donc Charles MacDonald, c'est Philippe Pelletier qu'on avait reçu en début d'année. Philippe Pelletier, qui est un géographe et anarchiste, qui nous avait parlé des rapports entre géographe et anarchiste, et qui nous a dit que Charles MacDonald était anthropologue et travaillait sur l'anthropologie et l'anarchisme. Et c'est pour cette raison que nous l'avons invité, après avoir vu ses différents travaux en cours. Donc il nous a fait une présentation. Alors, là, vous avez la présentation de la conférence de ce soir. Il y a une petite biographie, une bibliographie à la fin, et un texte qui est en anglais. Donc j'en ai tiré qu'une dizaine. Et si des gens sont intéressés, donc je peux vous l'envoyer par mail. Charles se fera l'envoyer. Si vous laissez vos mails, s'il y en a pas assez pour tout le monde, pour ceux qui lisent l'anglais, ceux qui ont envie de le traduire, la traduction sera la bienvenue. Donc, Charles actuellement est chercheur émérite, ça veut dire qu'il a été chercheur au CNRS, alors, je ne sais pas comment on dit quand c'est en activité avant d'être émérite. Il a travaillé sur l'Asie du Sud-Est et plus particulièrement aux îles Philippines, une région qui s'appelle Palawan, c'est on va dire à l'est, en gros, de l'archipel Sud-Est, l'Ouest. Ça fait à gauche. À gauche. Et tu n'es pas si on est au pôle Nord. Donc, parmi ses travaux, alors, mais ça, il va nous en dire plus bon, les aires culturelles de l'Asie du Sud-Est, de l'ethnopsychiatrie, de l'anthropologie phénoménologique. Il fait partie, je ne sais pas si tu es encore, de l'APRAS, Association pour la recherche en anthropologie sociale. Donc, tu as donné des cours à l'université d'Aix-Marseille et récemment à l'université populaire du pays d'Aix. Et en ligne aussi, on pourra vous donner l'adresse, c'est à Marco Gréguer. Il y a 10 conférences sur ce sujet, je crois. Autre sujet, la désobéissance en Asie du Sud-Est, le nom personnel, l'amitié dans le vocabulaire. Tu as aussi participé à la formation des étudiants et des profs en Philippines. Et alors, pourquoi l'anthropologie anarchiste, tu vas nous le dire en détail, mais pourquoi, bon, c'est un peu la grande initiative, parce que, bon, il y a très longtemps, j'ai lu un livre de Pierre Clastres, enfin, les livres et les articles de Pierre Clastres, un anthropologue ethnologue qui est mort très jeune et qui avait écrit La société contre l'État. Plus récemment, on a eu une traduction d'un anthropologue anarchiste qui s'appelle David Graeber, publié chez Bux. Si vous voulez des références, on vous les donnera. Et puis tout récemment, il y a un livre qui est sorti qui s'appelle Zomia, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, de James Scott. Bon, enfin, c'est des livres qui m'avaient un peu enthousiasmé. Et puis après, Charles MacDonald, qui connaît très bien le sujet, il va nous dire ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Et je te laisse la parole. C'est parfait. Merci beaucoup. Merci, je suis très heureux de vous, reconnaissant que vous faites attention aux idées que je peux développer sur l'anthropologie et sur l'anarchisme, et sur le rapport qu'il peut y avoir entre l'anthropologie et l'anarchisme. Alors, je suis tout de même en France, en tout cas, un peu le seul de mon espèce, car des anthropologues anarchistes, je n'en connais pas vraiment d'autres. Il y en a eu un dont le nom était cité, qui est Pierre Clastres. Il est mort depuis longtemps et il n'a pas vraiment laissé d'héritage conséquent sur le plan de la théorie anthropologique, malheureusement. Voilà. Alors, ce que je voudrais commencer par dire, c'est vous expliquer qui je suis. Je ne suis pas un anarchiste qui fait de l'anthropologie. Je suis un anthropologue. J'ai fait de l'anthropologie presque toute ma vie. J'ai fait de l'ethnographie, c'est-à-dire de la description de populations particulières. Et il y a environ 8 ans, j'ai commencé à faire ce que j'avais vraiment très envie de faire toute ma vie, c'est-à-dire de la comparaison et de la théorie. Et j'ai commencé donc à m'intéresser au fondement des organisations sociales. Qu'est-ce qui peut, en anthropologie, expliquer comment les hommes s'organisent donc partout, dans toutes les sociétés humaines connues. Et mes études ethnographiques, qui ne m'avaient pas conduit à devenir anarchiste jusqu'alors, m'avaient mis sur une piste. Donc, c'est cette piste que je vais expliquer. Et ce que je veux vous dire ici, c'est que donc j'ai découvert une approche, fondée, une approche théorique du social, si vous voulez, qui valide les thèses anarchistes. Autrement dit, je pense qu'une bonne anthropologie, une bonne socio-anthropologie est une bonne socio-anthropologie qui va dans le sens de la pensée anarchiste ou anarchisante. Donc l'anarchisme est la conséquence chez moi d'une démarche anthropologique, et l'anthropologie n'est pas simplement un complément à une conviction anarchiste préalable. C'est bien ou c'est mal, je ne sais pas, mais c'est intéressant, je crois, du point de vue de la démarche, des conclusions de cette démarche. Donc, pour dire les choses simplement, j'ai travaillé dans une population du Palawan, qui est des Philippines, qui sont des gens tout à fait pacifiques. L'environnement est très égalitaire. Des gens très égalitaires. Donc ça ne posait pas de problème, mais leur sociologie était vraiment posait un problème, dans ce sens que je n'arrivais pas à définir des groupes à l'intérieur de cet ensemble de populations. Les groupes étaient informes, se faisaient dans le temps, et n'étaient pas définis en fonction des critères utilisés par la socio-anthropologie, la sociologie occidentale en tout cas, enfin, la nôtre. Alors j'étais très embêté, je me disais voilà, des gens qui n'ont pas de groupe, vraiment bien clairement définis. Vous voyez, on n'appartient pas à un groupe d'une façon unilatérale, claire, les groupes ne sont pas disjoints deux à deux, etc., il n'y a pas de chef. Donc comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Et je ne trouvais pas dans la théorie anthropologique d'explication à cet état de choses, voyez-vous. Et je voyais même que dans la définition qu'on donnait d'une société, d'une organisation sociale, on disait le premier critère, c'est qu'une organisation sociale, c'est un ensemble de groupes qui sont définis d'une certaine façon et qui ont une interaction entre eux, par exemple des clans, des villages, des chefferies, etc. Tout ça, c'est... Et chez moi, il n'y avait pas ça. Et donc, je me suis gardé la tête assez longtemps. Et j'ai fini par lire des collègues, des travaux de collègues plus anciens et plus récents qui avaient travaillé sur la société Inuit, la société des Esquimaux. Et je me suis rendu compte que malgré la différence énorme entre ces deux sociétés, une société tropicale que j'avais étudiée, des sarteurs, des agriculteurs, et puis une société de gens qui vivaient sur la banquise, qui étaient des purs chasseurs et pêcheurs, étaient des gens qui se ressemblaient énormément, et qu'en fait, ces deux sociétés étaient pratiquement identiques, ces deux formations sociales étaient pratiquement identiques, et elles étaient caractérisées justement par l'absence de cette chose tellement indispensable à la théorie sociologique, qui est le groupe social. Il n'y avait pas de groupe bien défini, il y avait des réseaux, des agrégats de personnes qui formaient des petites communautés tout à fait viables, tout à fait fonctionnelles, mais qui n'étaient pas définies selon les critères, encore une fois, de la sociologie traditionnelle, telle qu'on l'appliquait aux sociétés même primitives. Voilà, donc c'est là que je me suis dit, voilà, il y a deux sortes de communautés humaines, et c'est l'argument central que je vais essayer d'expliquer dans cette petite causerie. Il y a deux formes de vie collective humaine, la forme sociale et la forme anarchique. Et la forme anarchique existe à l'état concret dans un petit nombre de cas, en général situés aux limites géographiques du monde habité, dans des refuges, dans des montagnes, dans des déserts, sur des banquises, dans des forêts tropicales. Il existe encore quelques groupes qui vivent de façon anarchique, c'est-à-dire sans principe hiérarchique, et selon des modalités qui relèvent d'une autre grille conceptuelle. Il faut fabriquer une nouvelle grille conceptuelle pour expliquer la façon dont ces gens vivent ensemble. Comment ils arrivent à maintenir. Car on a dans la littérature anthropologique quelque chose d'absolument incroyable. On a pas mal d'ethnologues qui ont été en Afrique ou en Amérique du Sud ou en Nouvelle-Guinée, dans différentes parties du monde, et qui ont observé des sociétés et qui les ont étudiées de façon tout à fait professionnelle, par l'observation participante, en résidant chez ces gens-là, et qui ont conclu que ces gens-là n'avaient aucune organisation sociale. Ça aurait dû tout de même causer un certain vague chez les anthropologues, mais figurez-vous, pas du tout. Les anthropologues, les sociologues ont considéré soit que c'était des exceptions qui valaient pas la peine vraiment de s'en soucier considérablement, ou alors que leurs ethnographes s'étaient trompés, avaient mal étudié les faits, etc., etc. Donc il y a une résistance considérable en sociologie et en anthropologie à admettre le fait qu'existent des groupes humains qui sont des vraies communautés, qui vivent sur plusieurs, voire des dizaines ou même des centaines de générations, sans aucunement adopter les principes qui permettent à nos sociétés d'exister. Voilà. Donc ça, c'est tout de même un truc incroyable, et je voudrais m'arrêter une seconde là-dessus avant d'aller plus loin, et d'expliquer comment moi, je vois les choses sur le plan conceptuel et théorique. Je pense que la résistance à toute idée anarchique ou anarchisante ou anarchiste du social, de la vie collective humaine, chez les sociologues et les anthropologues en particulier, mais d'une façon générale, vient d'un premier gros malentendu. On a pensé qu'on pouvait construire des sociétés sans propriété privée. L'idée de propriété privée était une idée tout à fait fondamentale dans la pensée révolutionnaire, hein, aussi bien celle du XVIIIe siècle que celle du XIXe siècle. En revanche, l'idée d'une société sans chef, sans aucune espèce, sans aucune forme d'autorité, que d'autorité politique, de pouvoir politique, ne paraissait pas acceptable. Il nous est plus facile d'accepter l'idée ou l'utopie d'une société dénuée de toute propriété privée, et on a essayé de créer des sociétés collectivistes sur ce plan-là, mais l'idée qu'une société ne puisse ne pas du tout avoir de chef, personne ne puisse donner d'ordre à personne, paraît ridicule, impensable. Eh bien, en réalité, ce qui se passe, c'est que il n'existe pas de société, la plus primitive soit-elle, qui ne connaisse pas la propriété privée. Pour une raison extraordinairement simple, qu'a dit Proudhon, parce que Proudhon a dit deux choses, il a dit la propriété, c'est le vol, mais il a dit aussi la propriété, c'est la liberté. C'est que le minimum de propriété privée garantit l'autonomie, on va y revenir, l'autonomie du sujet. Si je n'ai rien, je ne peux rien faire, je dépends des autres. Si j'ai quelque chose qui me permet de vivre, c'est déjà le début de la liberté. Et on retrouve ça chez des gens qui sont dénués de toute idée d'accumulation de richesse et qui ont très peu de biens matériels. Par exemple, les Hadza de Tanzanie et beaucoup d'autres populations de chasseurs-cueilleurs, voire même d'agriculteurs. En revanche, la société que j'ai étudiée, la société palawane, et d'autres encore, ne connaissent aucune forme d'autorité politique. Il n'y a pas de chef. Personne ne peut donner d'ordre à personne. C'est un fait très connu maintenant en ethnographie, soit dans des sociétés amérindiennes, soit dans des sociétés asiatiques. Vous avez des communautés qui existent, qui sont organisées. Je vous expliquerai comment. Mais où les anciens, ceux qui ont, disons, la parole, n'ont finalement aucune espèce d'autorité sur personne. Ils disent, il faut faire ceci, il faut faire cela. Tout le monde rentre chez soi et fait le contraire. Il n'y a pas de sanction, vous voyez. Et ça va même tellement loin qu'on considère que les parents ne peuvent pas donner d'ordre à leurs enfants. N'est-ce pas ? L'autonomie de l'individu est garantie dès la plus petite enfance. C'est-à-dire qu'on n'essaie pas tout de même d'éduquer les gosses, et de leur dire de ne pas faire ci, de ne pas faire ça, mais les enfants peuvent toujours dire non à leurs parents. Et quand ils disent non à leurs parents, et ben les parents sont tout maris, sont... Ils baissent la tête, ils ne sont pas contents du tout, mais quand l'enfant dit non, il dit non. Donc, cette idée, n'est-ce pas, de l'autonomie individuelle, réelle, concrète, elle existe en fait dans ces communautés. Donc, on est parti sur la mauvaise piste, n'est-ce pas ? On est parti sur la piste de société primitive sans propriété, mais avec un peu d'autorité tout de même. Et c'est effectivement le contraire qui se passe. Et c'est une des raisons, et ce n'est pas la seule, pour laquelle l'anthropologie sociale, particulièrement en France, a été tellement hostile à toute entreprise d'analyse de type anarchiste. Voilà. Alors ça, c'était l'introduction que je voulais faire. Donc je suis à peu près le seul anthropologue anarchiste. On a parlé de mon collègue Philippe Pelletier. Il est géographe et en géographie en France, il y a une tradition très forte avec Élisée Reclus et d'autres de géographes qui étaient des anarchistes de façon très militante. Mais les anthropologues anarchistes en France, il y en a très peu. Il y a eu Pierre Clastres, c'est à peu près tout. J'en connais pas d'autres, même si pêche peut-être par omission. Je suis prêt, si vous pouvez m'en citer, je suis très heureux. Mais je n'en connais pas. Aux États-Unis et en Grande-Bretagne, en revanche, il y a une tradition anarchiste. D'abord, il y a une tradition anarchiste aux États-Unis qui est beaucoup, beaucoup plus vivante qu'en France, qui est beaucoup plus étendue. Donc il y a un public, il y a une réception, il y a des très bons anthropologues anarchistes tant aux États-Unis qu'en France, pas beaucoup mais il y en a, alors qu'en France encore une fois il n'y en a pas du tout. Il y a certaines des raisons, je vous les ai données, mais il y en a d'autres. Alors l'argument donc auquel je voudrais le cœur de mon argumentation, si vous voulez, peut se réduire à trois dimensions. Mon argumentation est que, effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, il existe deux formes d'organisation collective humaine. La forme anarchique et la forme sociale. La forme sociale est toujours, toujours hiérarchique, elle suppose toujours du pouvoir, et la forme anarchique, au sens étymologique du terme, c'est-à-dire une forme d'organisation sociale, où il n'y a pas d'organisation, j'évite le mot social dans ce cas-là, et dans laquelle il n'y a pas de chef. J'appelle cette forme d'organisation anarcho-grégaire. Alors, pourquoi anarcho et pourquoi grégaire ? Alors, elle est anarcho, anarchiste ou anarchique. Non pas anarchiste, parce que l'anarchisme, le mot implique une doctrine. Des gens comme ceux que j'ai étudiés, les Amérindiens qui sont anarchiques, n'ont pas véritablement de doctrine. Donc, ils ne sont pas des anarchistes. Ils ne prônent pas, ils ne militent pas pour une forme de vie. Ils vivent simplement cette vie-là. Donc, je les appelle des anarques, en fait, des anarques, des gens sans chef. Mais il y a un deuxième sens à anarchie, qui est le sens principal dans le langage courant, qui est le chaos, le désordre. Et justement, c'est très intéressant, car ce sens du mot anarchie est également justifié. Parce que dans ces formes de vie collective, un principe d'indétermination domine. Ce sont des organisations non linéaires qui obéissent à un principe, à des principes stochastiques, si vous voulez. Les choses ne sont pas prévisibles à l'avance. C'est pour ça qu'il n'y a pas de groupe clairement défini. On appartient à un groupe à un moment, et puis après, on n'y appartient plus. Telle formation sociale à telle configuration à un moment et à telle autre configuration à un autre moment, sans qu'on puisse prévoir à l'avance quelle sera la composition exacte. Et tout ça pour simplement pour un autre principe que je vais énoncer tout à l'heure, qui est l'autonomie des sujets. Donc chacun peut choisir son affiliation, son appartenance, et ses choix varient dans le temps, et donc on ne peut pas dire, n'est-ce pas, je reviendrai là-dessus, n'est-ce pas, comme on est français toujours. Un moment on est français, un autre moment on est chouette. Bien. Donc, c'est des systèmes alors anarcho-grégaires et anarcho-libertaires. J'utilisais le mot grégaire parce que mon approche est aussi une approche d'anthropologie évolutionnaire. Je ne vais pas trop insister là-dessus, mais disons que nous appartenons à une espèce animale, zoologique, qui est grégaire. L'homme vit toujours en groupe, toujours. L'homme vit en groupe. C'est une détermination de notre évolution biologique. Il y a des espèces animales qui sont solitaires, hein, les grands prédateurs, les tigres. Mais il y a des espèces grégaires qui ne vivent qu'en groupe. L'homme ne vit qu'en groupe. Il ne vit pas nécessairement en société, mais il vit toujours en collectivité. Et partout, quelle que soit la forme d'organisation sociale, qu'elle soit anarchiste ou pas anarchiste, il y a hiérarchique ou égalitaire, il y a toujours, toujours, toujours de la coopération. D'ailleurs, les deux principes fondamentaux, si on veut faire une axiomatique, je n'irai pas jusque-là, c'est la coopération et l'autonomie du sujet. Bon, tout découle de... Mais, pour l'instant, restons encore un peu à la surface des choses. Donc, ces organisations anarcho-grégaires s'opposent en trois points, les trois points fondamentaux, les trois dimensions fondamentales de toute organisation humaine. Là, je sais que je suis très théorique et sans doute casse-pied. Excusez-moi, mais enfin, c'est d'un certain point de vue, je crois, très important pour donner un fondement quasi scientifique, simplement scientifique, à une approche véritablement anarchiste de la vie sociale et de la vie collective humaine. Donc je vais continuer dans ce registre. Alors, il y a trois grandes dimensions, trois fondements à toute vie collective humaine. Et dans chaque dimension, il y a deux choix opposés. Alors, la première dimension, c'est la hiérarchie et l'égalité. Alors, je vais dire quelques mots. Hein. Il n'est pas facile, sur un plan sociologique, de démontrer que l'égalité est une bonne chose. Pourtant, curieusement, paradoxalement, beaucoup de gens, en France notamment, pensent que l'égalité est souhaitable. Nous pensons que l'égalité est souhaitable. Mais pourquoi est-ce qu'on pense que l'égalité est souhaitable? Et à cette question, il n'est pas facile de répondre, ni philosophiquement, ni sociologiquement, ni historiquement. Les historiens pensent qu'ils trouvent la réponse à ces questions dans la philosophie anglaise du XVIIe siècle et française du XVIIIe, etc., etc. Mais l'idée d'égalité est bien antérieure, bien antérieure. Un des problèmes qui se pose à cette question de l'égalité versus la hiérarchie ou l'inégalité, si vous voulez, c'est que nos sociétés, celles où nous vivons, la France, la société française, occidentale, industrielle, capitaliste, comme vous voudrez l'appeler, est évidemment fondée sur l'inégalité. Vous enlevez l'inégalité, vous n'avez plus de société. L'inégalité est une condition sine qua non de la vie sociale. comment peut-on, alors que nous vivons cette vie sociale, malgré tout, peut-être en interdépendant d'une façon tout à fait volontaire et heureuse, ça dépend des gens, en même temps croire à l'égalité? Pourquoi est-ce qu'on écrit au fronton de nos édifices publics liberté, égalité, fraternité? Pourquoi est-ce qu'on veut l'égalité? Donc, sur le plan théorique, le problème est que c'est avec de l'inégalité, de la différence hiérarchique, qu'on crée de l'ordre. La notion mathématique d'ordre, si vous voulez, est une notion d'inégalité. Et créer de l'ordre avec de l'égalité est logiquement extrêmement difficile. Extrêmement difficile. Bien. Beaucoup de sociologues, d'ailleurs, ont, peut-être une majorité de sociologues, ont éliminé le problème en disant, l'égalité, c'est très simple, c'est l'absence de hiérarchie. C'est-à-dire, là où il n'y a pas de hiérarchie, on est égaux. Rien n'est plus faux. L'égalité, les sociétés qui vivent dans l'égalité, construisent l'égalité. L'égalité est toujours le produit d'un processus volontaire de la part des populations qui souhaitent rester égales. Et nous avons des exemples de populations égalitaires, celles que j'ai étudiées aux Philippines, mais il y en a bien d'autres. Alors comment est-ce que les gens font pour rester égalitaires? Quelles espèces de processus, quelles actions ont-ils? Alors il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Un des meilleurs spécialistes, anthropologues, ethnologues de la question, pense qu'il s'agit d'une lutte constante contre la dominance. C'est l'idée qu'avait Clastres, à savoir qu'il y avait des groupes humains qui se battaient quotidiennement, tout le temps, pour empêcher l'émergence de chefs, de gens qui avaient une position dominante et de hiérarchie. Et cette idée de Clastres est une idée très juste. Simplement, il n'a pas su trop la préciser. En fait, elle existe dans certaines populations dites primitives, tribales, mais pas dans toutes. Vous avez des sociétés primitives et tribales extraordinairement hiérarchiques. En particulier en Nouvelle-Guinée, par exemple, en Afrique, vous avez plein de sociétés traditionnelles, dites dans ce vocabulaire très imparfait, qui est toujours remis en question, tribales, primitives, archaïques, pré-modernes, etc. Mais qui ne sont pas du tout, malgré des signes, si vous voulez, de primitivité, de costume, les coutumes, etc., sont des gens tout à fait hiérarchiques, un peu comme nous, même plus que nous encore. Donc, certaines populations ont gardé cet idéal d'égalité et défendent cet idéal, bec et ongles, tous les jours, en empêchant certains de gagner des prérogatives. Alors, il y a toute une série de manœuvres possibles pour le faire. La rumeur publique, l'ostracisme, la moquerie, et une façon permanente de maintenir une certaine atmosphère de convivialité égalitaire entre les acteurs sociaux, les acteurs, les agents, si vous voulez, les sujets du groupe, de la communauté. Alors, cela m'amène à parler d'un concept qui enrichit cette vision des choses, qui est celui de lien faible et de lien fort. C'est un concept assez intéressant, parce que il fait, je crois, assez bien comprendre ce que je veux dire. Il y a des sociologues qui ont développé l'idée que des liens faibles étaient très importants dans l'univers social par rapport au lien fort. Bon, j'ai un peu retravaillé cette idée et je l'utilise de la façon suivante. Un lien fort est essentiellement un lien institutionnel, c'est un lien défini une fois pour toutes entre des personnes et qui est défini par rapport à quelqu'un d'autre, c'est par une tierce autorité, qui est fondé sur le... Par exemple, d'être citoyen français est un lien fort. Je ne peux pas décider ce matin que je suis citoyen chinois. je peux le vouloir, mais si je veux vraiment un citoyen chinois, je vais demander aux autorités chinoises la possibilité de faire le moins de droits, etc. Et une fois que je serai citoyen chinois, je le serai pour toujours, ou en tout cas pour très longtemps. Enfin, en revanche, un lien de connivence entre personnes qui se connaissent comme cela peut être rompu à tout moment. C'est un lien faible. L'amour érotique, romantique entre deux personnes est un lien faible de ce point de vue. Il est intense, certes, intense, pendant un certain temps. Mais quand il est plus intense, il se rompt. Et aucun des deux partenaires n'a demandé l'autorisation à une autorité extérieure la possibilité de ne plus former un couple. Ben, c'est un lien faible. Le mariage, en revanche, est un lien fort parce que, d'une part, il est pensé comme devant durer toute la vie. Il était pensé comme ça traditionnellement, autrefois, il y a une ou deux générations en arrière, et même un lien sacré qui était sanctionné par l'autorité, soit de l'Église, soit de l'État. C'était monsieur le curé ou monsieur le maire qui vous disait si vous étiez marié ou pas. Donc c'était un lien fort. La société telle que nous la connaissons, où nous vivons, est une société de liens forts. Nous vivons dans des liens forts, pas des liens institutionnels contraignants forts. Mais à côté de cet univers de liens forts qui nous situe dans l'ordre social, et qui nous contraignent dans l'ordre social. Nous vivons aussi dans un univers de liens faibles, qui sont tout simplement les liens de camaraderie, d'amitié, les liens de gens qui s'associent librement pour poursuivre un but commun, et qui peut être n'importe quoi, ce que appelle un philosophe américain, un historien aussi, qui s'appelle Lamborn Wilson, alias Akimbe, appelle des zones d'autonomie temporaire. Par exemple, un dîner entre amis ou un pique-nique, une randonnée dans un club de marche sont ces zones d'autonomie temporaire dans lesquelles on participe sans nécessairement s'engager pour la vie vis-à-vis des autres. Il n'y a pas d'engagement, c'est maintenant. Et on le fait par plaisir et on le fait aussi en raison des relations immédiates et concrètes qui nous lie aux autres. Voilà. Donc, l'idée, c'est qu'il y a des groupes humains qui ne vivent qu'avec des liens faibles et sans liens forts. Et ça aussi, bien entendu, l'anthropologie traditionnelle le dit, a du mal à l'admettre, puisqu'elle considère que le plaisir qu'on peut avoir à la société des autres est en quelque sorte un décor, quelque chose d'annexe, de complètement accessoire. C'est pas assez sérieux. Nous vivons tout de même dans une vision post-édénique de la société. C'est une vallée de larmes, il faut souffrir et il faut être sérieux. Avoir un groupe humain qui vit sans être vraiment sérieux, ben, c'est pas un groupe humain. C'est pas un groupe humain, du moins, estampillé par les sociologues. Les penseurs de sociologie ne peuvent pas supporter ça, vous comprenez ? Et c'est la raison aussi, une des raisons pour laquelle nous ne comprenons pas véritablement, dans notre domaine des sciences sociales, ce que sont ces groupes humains qui vivent avec des liens faibles. Alors, ces liens faibles, comment est-ce qu'on fait pour les maintenir en existence ? Quand vous avez un lien faible, qu'est-ce que vous faites ? Avec un lien faible, vous le renforcez. Vous avez une petite ficelle et vous voulez attacher quelque chose de lourd, ben, vous multipliez le nombre de liens. Vous faites des torrents, vous tressez des cordes avec des ficelles. Eh bien, c'est la même chose d'un point de vue des liens faibles. Vous faites ce que j'appelle vous tentez de satisfaire ce que j'appelle les conditions de félicité de la vie collective. Les conditions de félicité de la vie collective, ce sont un autre concept que j'emprunte à la linguistique. Les en le modifiant un petit peu, enfin, je fais un peu de recyclage conceptuel là. C'est faire en sorte que les interactions avec autrui soient satisfaisantes. Et parmi tous les types d'interactions, celle qui comporte la plaisanterie, le rire, les blagues, le chahutage amical, etc., sont des moyens très importants pour beaucoup de communautés qui vivent avec des liens faibles, de maintenir une cohésion de leur ensemble communautaire, de leur ensemble social. Voilà. Alors, donc, je reviens maintenant à mes trois principes. Alors, le premier, c'était l'égalité. Il est quelle heure? Je parlais combien de temps là? J'ai pas l'idée de... 36 minutes. J'ai parlé? 36 minutes? Oui. Oui, ça fait déjà beaucoup, non? On peut aller, je ne sais pas, jusqu'à 40 heures d'introduction, parce que le sujet est vaste. Hein. Bon, je vais finir. Et après, on fera des échanges. Bon, je vais monter les présenter. Le sujet est vaste, traite-le bien. Bon. Donc voilà, donc le premier truc, c'était l'égalité versus la hiérarchie. Donc il y a des sociétés égalitaires, elles existent, certains entrepreneurs ont dit qu'elles ne pouvaient pas exister, mais elles existent. Alors, la deuxième grande dimension, c'est celui de la réciprocité, de l'échange et du partage. Là, on touche à quelque chose qui intéresse beaucoup les anthropologues sociologues, et particulièrement les anthropologues sociologues marxistes, bien entendu, puisque prima des infrastructures, prima des rapports de production, etc., etc. Alors, là aussi, l'anthropologie sociale, d'une façon générale, pas seulement française, a été coupable, victime de cécité. Elle n'a pas vu un truc. Elle n'a pas vu un truc pourtant évident. Elle a pensé... Alors, il y a eu un grand anthropologue, début du XXe siècle, s'appelait Marcel Mauss, vous connaissez sans doute. Et il a écrit un essai remarquable qui s'appelle l'essai sur le don. Il a donné une sorte de modèle de ce que peuvent être tous les échanges dans les sociétés humaines. C'est un très bon modèle qui s'applique effectivement très bien à beaucoup de cas. Et comme c'était un très bon modèle, mais qui oubliait quelque chose, c'est quelque chose qu'on a oublié, c'est quelque chose qu'il cachait, on ne l'a jamais véritablement pris en considération. C'est quelque chose que ce modèle du don cachet, c'était le partage. Et on a confondu les deux en pensant que le partage est une forme de don. Voilà, je m'explique. Moi, on s'est dit, c'est tout de même incroyable, on observe quelque chose dans beaucoup de sociétés primitives, c'est que quand on donne quelque chose, ce quelque chose revient à la personne qui l'a donné. Soit la même chose, soit quelque chose d'autre d'équivalent. Autrement dit, il y a toujours cette espèce de va-et-vient qui va de A à B, et de B à A, et qui peut éventuellement passer par C. Donc, on va avoir un cycle d'échange. Bon, il y a toujours un échange. Il y a trois obligations. Je suis obligé de donner, je suis obligé de recevoir ce qu'on me donne, mais je suis obligé après de rendre. Ces trois obligations formaient une sorte de... presque de contrat social. Ça permet d'expliquer beaucoup de choses, énormément de choses. Ça a un très vaste champ d'application théorique. Par exemple, dans le domaine de la parenté et du mariage, Lévi-Strauss s'est saisi de ce modèle pour dire, voilà, qu'est-ce que c'est que le mariage dans les sociétés traditionnelles primitives? C'est l'échange, la circulation de femmes qui sont passées d'un groupe à l'autre. Voilà. Donc il y a don de femmes, et avec ces dons et ces échanges et ces circulations de femmes, il y a aussi don et circulation de biens et d'idées et de personnes. Donc ça unit, ça crée du social, c'est fantastique. Le modèle maussien du don, dans tous ses avatars, crée formidablement du social. Donc on s'est dit, c'est génial, c'est bien. Et Mauss ne s'est pas trompé, mais encore une fois, on n'a pas vu une chose, c'est que ça laissait une case vide, qui n'a pas été explorée, c'est le partage. Alors, je vais expliquer. Je donne toujours cet exemple, qui est, à mon avis, assez clair. Dans des vieilles sociétés patriarcales, rurales, françaises, européennes, paraît-il, le chef de famille, le maître de maison, tenait la miche de pain et un couteau et découpait des tranches de cette miche de pain et tendait ces tranches de pain à tous les convives qui étaient autour de la table. Évidemment, ainsi, il donnait quelque chose, il donnait la nourriture aux autres. Mais les autres, qui recevaient la nourriture, lui devaient des services. Il y avait une implication hiérarchique et évidente dans ce don du pain par le maître de maison. D'accord. Pensons maintenant à la façon dont nous distribuons le pain lorsque nous avons un dîner entre amis. Eh bien, il est coupé dans une panière et chacun se sert. Personne ne donne à personne. Je mets entre parenthèses le fait qu'il a peut-être été acheté par le maître de la maîtresse de maison, etc. Mais là n'est pas le point. Le point est que dans le partage du pain sur la table, il y a quelque chose qui n'a rien à voir avec le don du pain par le patriarche dans la vieille société rurale européenne, disons. Et c'est exactement ce qui se passe dans le partage. Le partage est l'antithèse du don. Et les sociétés tribales, particulièrement de chasseurs-cueilleurs, qui devaient partager, c'est-à-dire distribuer la nourriture, ont inventé tout un tas de solutions pour que précisément il n'y ait pas de don, et donc pas de donneur, et donc pas de dette. L'idée, c'est d'éviter la dette, parce que la dette crée de la différence, de la hiérarchie. Il y a celui qui doit, qui est inférieur, et celui à qui l'on doit, le créancier, qui est supérieur. Donc pour éviter cela, ils ont trouvé tout un tas de procédés assez marrants, d'ailleurs. Par exemple, les Inuits ont parmi les différents procédés le fait que le chasseur qui capture un phoque doit le partager d'une certaine façon, et que s'il y a d'autres chasseurs qui n'ont pas tué le phoque, mais qui s'en approchent et le touchent, ils en sont également propriétaires d'une partie. Donc ce n'est pas le chasseur qui donne la proie qu'il a tuée, il amène la proie dans le groupe et cette proie est découpée et partagée selon des règles préétablies. Chez les Palawans que j'ai étudiés, même chose pour le sanglier qui est le seul grand animal sauvage qui puisse chasser. Lorsque un animal a été capturé dans le piège d'un chasseur, ou tué à la lance par un chasseur, cet animal est apporté au beau-père, qui est en général l'ancien dans le groupe, et qui découpe cet animal et le distribue à tout le monde, en réservant une partie, certes, pour le chasseur. Donc, des modalités comme cela, et il y en a plein dans les sociétés tribales primitives, surtout de chasseurs-cueilleurs, mais dans lesquelles on évite absolument que ce soit le chasseur qui soit le propriétaire de l'animal. Il n'y a pas de don, il y a un partage. Et les Inuits avaient cette phrase remarquable, que vous connaissez sans doute, et qui a été rapportée par un explorateur anthropologue, Frochaine. Un chasseur lui avait donné une part du morse qu'ils avaient tué sur la banquise, une histoire un peu plus longue, et il avait dit « Oh, merci beaucoup », l'Inuit lui avait dit « Tu ne remercies pas. Ici, on ne fait pas de cadeaux. Parce qu'avec les cadeaux, on fait les esclaves, comme avec le fouet, on dresse les chiens. » Et c'est très exactement ce que Sénèque avait dit, n'est-ce pas ? C'est accepter un don, c'est renoncer à une partie de sa liberté. Donc, l'idée que le partage et le don sont deux dispositifs antinomiques n'a pas été perçue sauf par un anthropologue spécialiste des Hadza qui a dit le partage, c'est pas de la réciprocité. C'est tout récent, c'est dans les 10-15 dernières années, et puis d'autres anthropologues, dont un de mes collègues, asianiste, s'en est saisi. Mais cette idée fondamentale, à savoir que l'éthique du partage et l'éthique du don, c'est-à-dire de l'échange, sont deux éthiques antithétiques, n'est pas parvenue à la conscience claire de mes collègues. Ce qui est dommage, parce que ça permet de beaucoup mieux comprendre l'éthique de ces populations qui sont anarchiques et qui vivent avec une éthique du partage. Ça ne veut pas dire que ces gens-là n'échangent pas. Ils échangent, ils achètent, ils vendent, ils empruntent, etc. Mais c'est l'éthique du partage qui domine leur pratique de l'échange et de la distribution matérielle. Vous comprenez ? C'est ça qui est important, c'est le partage. Et le partage est en fait une dimension, une relation fondamentale, parce que c'est la seule, en fait, qui est absolument égalitaire, c'est-à-dire où les termes sont équivalents. Voilà. Donc, il n'y a pas de propriétaire. Alors, la troisième dimension, c'est ce que j'appelle la corporation et la transcendance versus le réseau et l'immanence. Alors, là, on entre dans un domaine qui va vous paraître un peu plus philosophique, parce que le mot de transcendance est un terme emprunté peut-être à la philosophie, mais c'est aussi un terme qui a une application sociologique essentielle et qui a une valeur d'ordre psychologique et cognitif. La transcendance est un des moyens qu'ont les sociétés comme la nôtre d'exister. Et elle s'oppose en cela radicalement, encore une fois, à ces sociétés anarchiques qui vivent dans l'immanence. Alors je m'explique. La transcendance, au sens philosophique du mot, c'est de poser qu'il existe une entité, quelque chose, qui existe au-delà du sensible ou du monde perçu ou de l'expérience immédiate. Et que cette entité qui existe au-delà, c'est le mot de transcendance qui existe trans au-delà, a une valeur supérieure à tout ce qui est concret et immanent. Et une existence permanente. Par exemple, Dieu est transcendant. Voilà. C'est aussi la source de toutes les valeurs. Qu'est-ce qui est transcendant aussi ? Par exemple, la nation ou la patrie sont des entités transcendantes. Car si vous essayez de comprendre ce que c'est que la nation ou la patrie, sur le plan concret, c'est très difficile à définir. C'est quoi ? C'est un ensemble de gens ? C'est une définition juridique ou politique ? C'est quoi ? Mais c'est une entité qui est source de valeurs, qui existe au-delà de l'existence individuelle, qui est supérieure en valeur à l'existence individuelle, bien supérieure, et qui, et c'est là le deuxième aspect de la chose, et j'appelle cela le transcendantisme, c'est pas kantien, c'est transcendantisme, c'est le fait que de cette entité naît une force qui me commande de l'intérieur. Je dois me sacrifier pour la patrie, non pas parce que elle me le demande, mais parce que je le sens comme ça. Le sentiment de devoir accomplir quelque chose, et particulièrement un sacrifice, c'est du transcendantisme. Et le transcendantisme est une application religieuse évidente, mais il a une application politique non moins évidente. Mais c'est l'application politique et l'application religieuse ne sont que deux aspects superficiellement différents du même processus qui naît dans, sans doute, dans le sentiment d'obéissance absolue à un pouvoir extérieur. Mais le sentiment ressenti, organiquement ressenti, de devoir obéir à une puissance extérieure, source de toutes les valeurs. Et vous avez, je pourrais parler pendant des heures et des heures de ce phénomène qui est mal perçu, qui est mal défini en sociologie, en anthropologie, et qui est pourtant fondamental. C'est comme ça que vous fabriquez de la société, et ça répond à la question que posait la Boétie, pourquoi les gens sont-ils des serviteurs volontaires ? Quelle est la source de la servitude volontaire ? C'est le transcendantisme, c'est-à-dire, pas simplement le patriote, n'est pas simplement dans la guerre, fusillé s'il déserte, mais il souhaite aussi sacrifier sa personne pour la cause patriotique. Et ce que chantera, n'est-ce pas, Georges Brassens, c'est gloire à celui qui n'a pas de grande cause à défendre et qui fout la paix à son voisin. C'est-à-dire que toutes les grandes causes pour lesquelles on se sacrifie sont fondées sur ce dispositif, mécanisme du transcendantisme qu'on nous a inculqué depuis seulement 10 000 ans. Alors, donc le sujet est vaste. Je dirais aussi que bon, dans les sociétés donc, qui sont anarchiques, dans ces communautés qui ne possèdent pas de principes transcendants, qui n'ont pas, disons, de croyance dans l'existence collective en tant qu'entité permanente et supérieure, mais simplement dans la présence et la coprésence des autres membres du groupe, c'est ça qui est important, c'est les autres membres du groupe dans leur réalité concrète, personnelle, c'est l'ensemble des interactions individuelles qui s'agrègent et forment des groupes qui sont temporaires, parce que les gens se désagrègent, se réagrègent ailleurs. Mais il n'y a pas d'idée qu'il faut sacrifier sa vie ou son intérêt au profit d'une entité transcendante. Il n'y a pas d'entité transcendante. Il n'y a que des entités immanentes qui sont les autres, concrètement, des gens qu'on connaît, des gens qui vivent dans des communautés qui ne dépassent pas quelques centaines ou quelques milliers au maximum de personnes qu'ils connaissent personnellement et avec lesquelles ils vivent toute leur vie. C'est des communautés de personnes réelles, n'est-ce pas ? C'est pour ça qu'on a pu dire, n'est-ce pas, que la démocratie athénienne était le règne de l'amitié, parce que sur l'agora se réunissait, et l'agora était un terrain de football qui pouvait réunir tous les citoyens athéniens, dans l'exception. Donc des vraies communautés, des communautés concrètes. Voilà. Cela aussi, donc, n'est pas quelque chose, n'est pas une dimension conceptuelle qui a été bien comprise par mes collègues, anthropologues ou sociologues. Je commence à avoir assez parlé, et donc je vais conclure. Je vais conclure sur l'idée que les idées que je vous ai présentées, qui étaient un peu abstraites et théoriques, ont en fait un grand pouvoir d'élucidation sur notre vécu, sur notre quotidien, sur la réalité que nous vivons. Qu'est-ce que c'est que la démocratie, par exemple ? Qu'est-ce que c'est que la démocratie ? Eh bien, je définis, en fonction de ce que je vous ai dit et d'autres choses aussi, la démocratie comme, non pas du tout une forme de gouvernement, la démocratie, l'idéal en tout cas démocratique, n'est pas une forme de gouvernement. C'est un processus dans lequel la vie sociale que nous menons se trouve être mise en contradiction avec nos aspirations anarchiques, nos aspirations égalitaires. D'où viennent ces aspirations anarchiques et égalitaires ? Là, je suis tout de même obligé de faire intervenir une dimension dont je n'ai pas parlé, qui est la dimension évolutionnaire, également évacuée par l'anthropologie française, en tout cas. Notre espèce, dans sa forme moderne, a vécu à peu près, on est plus ou moins d'accord bien que les choses changent très vite en fonction des recherches qui sont faites, mais jusqu'à très récemment, on estimait à 200 000 ans seulement la durée de notre vie d'Homo sapiens sapiens sur Terre. Donc pendant 200 000 ans, on a créé des habitudes, des réflexes, des dispositions qui font partie, en quelque sorte, d'un héritage que nous avons tous. Mais sur ce fond d'héritage commun, se sont greffés, pendant seulement 10 000 ans, et peut-être moins, donc 10 000 sur 200 000, un autre type de dispositif, qui est le dispositif social, hiérarchique. Et nous sommes, en quelque sorte, prédisposés génétiquement, c'est la théorie que je propose, à penser et à ressentir notre vie d'homme plongé dans des communautés et des collectivités comme étant d'essence et d'inspiration profondément anarchique. En fait, nous sommes tous un peu des anarchistes, tout le monde, et en même temps un peu des sociaux. Nous sommes anarchistes et nous sommes sociaux. Nous sommes tiraillés entre deux types, n'est-ce pas, de pensée d'aspiration contradictoire, antithétique. Et quand nous nous battons pour des idéaux démocratiques, nous nous battons en fait contre l'aspect social de notre société et en fonction d'une nature, puisqu'on a aussi évacué l'idée de nature humaine, de dispositifs hominiens implantés dans notre patrimoine génétique pendant 200 ou en tout cas 190 000 ans de vie sur Terre. Pendant 190 000 ans, on a évolué d'une certaine façon en façonnant notre coopération sur des liens faibles qui devaient être renforcés en satisfaisant aux conditions de félicité que j'ai énoncées et qui ont fait de nous au fond des anarchistes. Et c'est pourquoi quand nous sommes dans un processus de démocratie, nous sommes dans un processus fondamentalement, comme on disait autrefois, dialectique entre la réalité sociale où nous vivons, et nous sommes plus ou moins incarcérés, et la réalité anarchique qui nous habite. Et puis, ça permet aussi ce genre de conceptualisation, de la grille conceptuelle, de mieux comprendre ce que sont toutes les formes extrêmes, particulièrement d'engagement fanatique, que ce soit sous le mode nationaliste. On a beaucoup d'études sur ce qu'était la Première Guerre mondiale, sur le fait que la guerre, évidemment, découle de l'existence du transcendantisme d'État. La guerre moderne est une conséquence immédiate du transcendantisme d'État. De même que le djihadisme est une conséquence immédiate du transcendantisme qui habite toutes les religions abrahamiques. N'est-ce pas, y compris la nôtre, la mesure celle qui est dominante dans notre coin de notre pays. Voilà, donc vous voyez, ces concepts permettent de bien comprendre pourquoi les choses se passent plus ou moins comme elles se passent, et pourquoi finalement nous sommes tous pris dans ces convulsions de la vie moderne qui donc peuvent peut-être se comprendre de cette façon. Voilà, merci. Alors, la parole est à vous. Vous faites un petit signe et j'essaye de respecter l'ordre dans lequel vous voulez parler. Ah ben, première question, la question. Donc, je pense que dans une société qui n'a pas de domination masculine. Non. Dans ce groupe-là, il y a la division des tâches, mais on n'a pas de domination masculine. Ici. Simplement, du coup, ce par quoi tu as terminé, c'est-à-dire 190 ans d'une certaine manière et. Alors, qu'est-ce qu'il leur a appris? C'est une très bonne question. Moi, je pense qu'effectivement, nous sommes en train d'avancer. Je suis un optimiste sceptique, mais on est peut-être en train d'inventer de nouvelles formes de vie collective qui arrivent à dépasser ces contradictions, qui arrivent à les concilier d'une certaine façon. Je ne sais pas comment, mais on essaye de toutes les façons possibles d'arriver à dépasser, de vivre en réseau, et de vivre en communauté en même temps. Et je pense qu'il y a des moyens technologiques qui nous permettent de commencer à le faire. Et donc, il y a l'espoir, il y a tout de même de l'espoir. Je crois qu'on est assez intelligent pour arriver finalement à trouver une solution. Mais on est dans la contradiction. Pour l'instant, on est dans l'étau. On est écrasé par cet étau. Mais je pense qu'on peut trouver une solution. Simplement une remarque. Il y a 10 000 ans, c'est la sédentarisation et la... et la propriété privée du terrain, de l'élevage, oui, du bétail, etc. C'est le néolithique, c'est l'apparition du néolithique. C'est le néolithique, mais certainement le néolithique est précédé par une période de grande effervescence, sans doute intellectuelle, mm-hmm, qui était la politique supérieure. Ouais. Et c'est là que la vraie révolution sociale a dû se... C'est-à-dire on a commencé à croire à l'existence d'entités transcendantes qui justifiaient la hiérarchie, le pouvoir des chefs, etc. Une fois que vous avez la hiérarchie, que cette hiérarchie est intériorisée, l'idéologie de la hiérarchie est intériorisée dans le transcendantisme, à ce moment-là, vous pouvez créer des systèmes politiques qui sont très efficaces parce qu'ils permettent de contrôler de larges populations. Ils agissent à un niveau démographique beaucoup plus élevé et militairement, ils sont imbattables. Donc, ils écrasent, c'est le rouleau compresseur qui va écraser toutes les petites sociétés anarchiques qui se réfugient de plus en plus dans des coins complètement inaccessibles. Merci. Alors, juste la question par rapport à la taille de cette société, donc la taille démographique, est-ce que sur plusieurs milliers, Deuxième question, par rapport à la langue, est-ce qu'ils ont une seule langue ou bien plusieurs variétés? Est-ce qu'il y a une langue standard ou bien juste une dialecte par rapport à cette stratégie de linguistique? Et une troisième question, par rapport à l'organisation militaire, par rapport aux invasions, donc sûrement qu'ils ont dû être envahis ou bien ils ont fait face à des envahisseurs extérieurs, comment ils s'organisent pour ce grand effort? La première question, c'est la taille de ces groupes. La deuxième question, c'est la taille des langues. Et la troisième question, c'est l'organisation militaire et la... Alors, pour les sociétés que je connais mieux, qui sont en Asie du Sud-Est, pas seulement en Asie du Sud-Est, on a affaire à plusieurs sortes de groupes, des chasseurs-cueilleurs et des pêcheurs qui vivent. Alors là, la taille standard du groupe, de la bande, ce qu'on appelle la bande, c'est entre 25 et 50 personnes maximum. Et ce sont des... Alors ça, on a étudié bien d'ailleurs ici, en Afrique, en Inde, etc. Ce sont des petites bandes. Et effectivement, l'anarchie n'est possible qu'à l'intérieur de tout petits groupes. Donc, c'est ce que je viens de dire, n'est-ce pas? J'ai pas eu le temps d'insister sur ce fait, c'est que les groupes anarchiques sont très faibles. Ils sont faibles démographiquement et c'est la troisième question, ils sont faibles militairement, par la même occasion, parce qu'ils ne peuvent pas réunir de grandes armées. Pourtant, ils ne s'organisent pas militairement. Dans les sociétés que je connais et étudiées, on a affaire à des gens qui ont adopté une stratégie très précise, qui est la fuite. Ils s'enfuient. Ils s'enfuient. Et ils terrorisent, enfin, il ne faut pas se battre. Elles disent il est inhumain de se mettre en colère. Il est humain d'avoir peur. C'est bien d'avoir peur. C'est l'éloge de la fuite, de la borée. L'éloge de la fuite, c'est l'éloge aussi de ce que nous appellerions la lâcheté. Mais pour eux, la lâcheté, c'est très bien, parce que se battre, c'est idiot. Vous voyez. Donc, ce sont des gens qui fuient. Alors, il y a plusieurs explications anthropologiques à ça. Je pense que ça va avec le fait que pour organiser la guerre, il faut tout de même une certaine hiérarchie, quoique il y ait des groupes totalement anarchiques comme les Apaches, les Crocs, aux États-Unis, qui étaient anarchiques. Pour les langues, les langues, ce sont des gens qui ont ce mono, pas qu'une seule langue, mais beaucoup d'entre eux parlent plusieurs langues, notamment la langue de la société globale. Pour les Philippines, ce serait le Tagalog, le Philippin, pour l'Indonésie, c'est l'Indonésien, etc. Donc ils sont très doués pour la langue, et, très bien beaucoup de langues. Ça dépend des gens, il y en a qui n'en parlent plus. Pour rebondir sur l'idée de violence, ça c'est Pierre Clas qui a fait, si je me souviens bien, parce que je l'ai lu il y a très longtemps, il disait que les groupes empêchaient que l'État se construise par les guerres qui se menaient entre eux. Mais alors c'est peut-être certains groupes qu'il a étudiés, ou est-ce que c'est une théorie bidon? Ça c'est malheureusement pas une théorie juste, pas du tout. Parce qu'il y a énormément de groupes anarchistes sont extrêmement pacifiques et non violents. Et je pense que la non-violence, alors il y a eu grand débat sur l'existence de la violence et la non-violence en préhistoire. Le grand débat actuellement, le prénom de Foucault, mais bon, là il faudrait en parler en détail, c'est très long. Il y a eu beaucoup de violence dans la préhistoire, mais pas que. Et il est possible qu'en fait, les très longues périodes de la préhistoire, particulièrement dans le Paléolithique, étaient marquées par l'existence de groupes totalement pacifiques et non violents. Et beaucoup de ces groupes que j'ai étudiés, j'ai étudié par des collègues dans ma région ou dans l'autre, sont parfaitement pacifiques et non violents. Alors ça a été contesté, etc. Maintenant, il y a des groupes anarchistes historiques qui sont extrêmement violents. Cosaques et les pirates. Voilà. Les gens qui ont créé des communautés, et pas, un peu utopiques, anti-étatistes, et qui ont duré 1 à 3 siècles. Tant les pirates que les Cosaques. Donc des gens égalitaires et anarchistes, mais qui étaient violents, excessivement violents, parce qu'ils vivaient ça. À toi. Non, j'avais le même souvenir en fait de l'écriture de Castres sur que pour empêcher le chef de s'épanouir, on usait la violence en fait. Oui, oui, bah, Castres avait tout un tas d'arguments qui n'étaient pas extrêmement. Une fois j'ai fait une conférence justement en présentant un des arguments du aux États-Unis, je présentais l'argument de Castres sur le fait que le chef dans la société amérindienne était inférieur aux autres membres masculins du groupe. Parce qu'il était le seul polygame, autrement dit, il avait pris les filles ou les sœurs des autres hommes du groupe, il était endetté. Et à cet égard, il était inférieur. Le chef était inférieur du fait de son endettement matrimonial. D'accord ? Et il y a quelqu'un qui assistait à la conférence, l'Américain, qui a levé la main et qui m'a dit. Moi, dans mon groupe, je connais beaucoup de mecs qui voudraient être inférieurs. Comme ça. Oui, on a très bien vu, qu'un fameux tsunami, que les gens sont venus les aider, les hélicoptères, du matériel, et une petite défaite, les hélicoptères, en disant laissez-nous tranquille, quoi. Laissez-nous vivre notre vie comme on la vit, quoi. Gardez votre aide, on n'a pas besoin, on va se dédouiller entre les corps. Voilà. Ça, c'est tout aussi un sujet que j'ai un peu étudié, c'est les choses de l'opé post-électronique qui manifestent justement cet esprit d'entraide anarchique, anti-étatiste. Et quand Katrina, par exemple, un exemple bien connu, l'État s'en mêle et fout le même incroyable. Alors que les gens se débrouillent pour. S'organiser très bien entre eux sans l'aide de l'État. Parce que l'aide de l'État est beaucoup plus perturbatrice que. Pas avoir de dette, tout le monde, avoir à rendre, c'est réveil dans tout le monde. Pas seulement de l'État, mais par rapport aux certaines organisations humanitaires. C'est-à-dire qu'il faut être professionnel. De l'humanitaire pour aider les uns les autres. Et d'ailleurs, certains qui vont leur reprocher comme petit groupe, ils disent mais vous n'avez aucun droit d'y être parce que vous m'y connaissez. Et, c'est un bon truc. Moi, j'ai une réticence par rapport à des concepts sur anarcho-précaire et le fait social. Parce que. Moi, je prends moi la notion de social étant vu toutes les formes d'interaction interindividuelle, sur groupe ou pas groupe, mais par rapport à ce que tu disais, pour moi, la distinction, c'est socio-institutionnel ou socio-non-institutionnel. Oui, on peut voir les choses comme ça. Parce que c'est une question de vocabulaire. Moi, voilà, oui, je restreins sémantiquement le terme social à. Chose qui est hiérarchique, etc. Elle dit que ce ne sont pas des sociétés, que dépend comment on définit une société. C'est, dans la mesure où la société est une simple population qui vit sur un territoire, avec un certain mode de vie et qui se perpétue sur plusieurs générations, bon, ces groupes, ces communautés sont des sociétés. Mais ce sont des groupes qui n'ont pas d'organisation sociale, donc ce sont des sociétés. Mais question de vocabulaire. Parce que, juste pour finir dessus, moi, en tant qu'anarchiste, notre projet est éminemment social, en ce sens qu'il est anti-politique ou apolitique. C'est pour ça que j'ai déjà là mes éléments de terminologie. Je suis tout à fait d'accord, c'est encore une fois une question de vocabulaire, je suis pas une question de fond. Moi, j'ai essayé de séparer comme ça. Mais oui, bien sûr. Entre opposé social et politique. Moi, je voudrais poser une question par rapport à l'immanence. Oui. Donc, il n'y a pas de transcendance, ils se vivent au monde. Et par exemple, comment ils expliquent des phénomènes qu'ils ne peuvent pas expliquer par lesquels outils ils appréhendent le monde? Eh bien, ils ne les expliquent pas. Mais ils ne posent pas de questions sur. Oui, mais quand on va expliquer, vous savez, ils sont. Est-ce que c'est animiste leur manière de percevoir le monde? Non, mais la transcendance, pas les gars. J'avais un collègue plus ancien qui avait travaillé chez les Négritos. Et il leur demandait, les Négritos de Philippe II, et il leur demandait, mais comment est-ce que vous expliquez la nuit, quand le soleil tombe derrière l'horizon, d'après, on voit qu'il va sous la terre, il est porté sur le dos d'une grande tortue, il est avalé par un serpent. Alors il disait, non, je ne sais pas, il se couche et puis après il se lève. Il y en a un autre qui est perdu. Mais l'âme des gens après la mort, elle va où? Et là les gens disaient, mais nous, on ne sait pas, personne n'est jamais revenu. Il y a beaucoup de gens qui sont. Ils n'ont pas besoin de. Ils peuvent se poser des questions. Mais il y a des gens qui expliquent qu'il y a des éclipses et que la lune est avalée par un monde. Il y a aussi ça. Il y a un monde mythologique. Oui, il y a aussi des mondes mythologiques, il y a de la mythologie, des explications. Là, des mythes. Voilà, est-ce qu'il y a des mythes? Il y a des mythes, oui, chez les gens que j'ai étudiés, au début, il faut bien vous sur la manière d'appréhender le monde, le mythe. Tout à fait. C'est pour ça que je demandais comment ils vivaient leur immanence et comment elle était traduite dans les pratiques. Quoi. Alors, cette immanence, elle est vécue par aussi une absence d'eschatologie, c'est-à-dire qu'on ne sait pas très bien ce qui arrive après la mort. Alors, ils ont emprunté leur eschatologie à l'islam, qui était proche, et maintenant au christianisme. Mais sinon, on meurt. C'est tout, c'est des gens qui font l'impasse sur la mort. Ils n'investissent pas la mort symboliquement. Pour eux, la mort n'est pas le lieu d'un investissement symbolique intéressant. On enterre les gens et les oublie. Alors, vous avez des sociétés qui investissent sur la mort symboliquement. Alors là, ils sont très dans la transcendance. Le décédé devient un esprit. Après, on fait des tas de rituels. Cet esprit devient un grand ancêtre, encore des tas de rituels, et après vient Dieu. Alors c'est intéressant parce qu'être le petit-fils d'un Dieu, c'est pas mal ça. c'est dans des sociétés qui ne vivent pas comme les Palawanes. Voilà, exactement. Ils sont des sociétés voisines. Donc dans un schéma hiérarchique et transcendant. Un schéma hiérarchique et transcendant, justement. Mais dans les Palawanes, ils ont. Mais bon, on prend cet exemple puisque c'est vous que vous avez étudié ça. Leur immanence, ils la vivent très simplement, c'est-à-dire qu'on meurt, mais il y a la mémoire du mort, de ce qu'il a fait, de... Pas beaucoup, parce qu'en fait, ils ont une amnésie généalogique. Ils oublient le nom de leurs arrière-grands-parents, et même parfois de leurs grands-parents. Donc ils ne conservent pas la mémoire. Il y a des groupes en Asie du Sud-Est qui conservent la mémoire généalogique sur... 80 générations, enfin, sur des centaines d'années, c'est incroyable. Chez les Palawanes, on ne fait pas un sirop alors. Non. Oui, vas-y. Vous avez parlé de l'espoir, si j'ai bien compris, de la technologie pour le futur. Pouvez-vous préciser? Parce que moi, je ne suis pas du tout d'accord pour ça. Je pensais d'évidence à ce qu'on appelle maintenant les réseaux sociaux, c'est-à-dire la possibilité de créer des réticulations et des échanges, non seulement d'informations, mais aussi de liens. de biens, le fait qu'on puisse transporter les biens, qu'on puisse les distribuer avec des technologies nouvelles, le fait qu'on puisse s'informer sur l'existence de ces biens qui sont donc en dans des réseaux de circulation qui ne sont pas marchands, c'est tout de même un support technologique derrière, l'informatique, les fossiles, la conservation, le transport. Donc je pense que là, il y a déjà des éléments de technologie qui permettent d'inventer des nouvelles formes de transactions qui vont dans le sens de ce qui sera bon d'avoir par la suite, plutôt que des systèmes marchands. Donc je pense qu'il y a tout de même, là, maintenant, un développement technologique, les scientifiques ouvrent des horizons incroyables. Mais ça implique que tout le monde se mette à la technologie. Oui, tout le monde peut partager. C'est évident, si on veut utiliser les réseaux sociaux, il faut savoir utiliser un ordinateur. Oui. Non, d'abord. Vous avez fini. Je voulais vous demander par rapport à la domination, déjà si par rapport au groupe que vous avez étudié. Vous disiez voilà une lutte constante pour refouler son envie, son désir de dominer. Voilà, si vous avez des exemples, la société qui des couples que vous avez étudiés. Et voilà, et si du coup le désir de domination fait partie de l'homme, depuis ses 200 000 ans, enfin 180 000 ans, et qu'il a toujours dans cet anarchisme que vous lui pensez. Enfin, vous lui donnez cet état anarchiste, vous lutter contre ou enfin voilà. Je pense, alors, ça c'est un grand débat, bien sûr, à la fois sociologique, philosophique, historique. Il y a tout de même, bon, certaines anthropologies ont popularisé l'idée d'un homme dominateur, c'est-à-dire, sûrement les mâles dominateurs, et là c'est mon cours. Mais il apparaît que ce modèle de l'homme dominateur vivant n'est pas nécessairement juste. Et que, encore une fois, les sociétés de ce sort que leur paléolithique pendant 100 000 ans ou plus ont vécu sans ce besoin de domination dont elles ont contrôlé. Il est possible que nous l'ayons, et que nous le contrôlions plus ou moins bien, c'est certain. Mais je ne peux pas trancher complètement. Est-ce que dans le domaine des questions, des tendances que nous héritons de notre biologie, est-ce qu'il y a celle de la domination? Je ne peux pas vraiment trancher. Je la vois présente, bien entendu. Et je pense aussi que cet anthropologue américain, Ben Böhm, qui théorisait l'autonomie et la légalité, l'a fait en faisant appel à cette lutte permanente contre l'instinct dominateur des autres. De même, que l'on peut expliquer la non-violence dans ces groupes par aussi une lutte permanente contre la violence. Et je vais vous donner un petit exemple, pour comprendre, c'est pas la domination, mais ça rapproche. C'est qu'un de mes meilleurs informateurs me disait, je comprends, nous on plaisante entre nous. On rigole entre nous. Parce que si tu ne plaisantes pas, c'est que tu es fâché. Tu veux dire que tu veux me tuer. Donc, voilà. On est par tous ces dispositifs d'interconnexion, de l'égalité. De désamorcer. Mais la violence, elle est sous-jacente. Elle peut pas être sur la volonté de la domination, qui est souvent aussi sous-jacente. Plus ou moins. Mais le fait est que nous avons affaire à des groupes humains qui essaient de désamorcer pour la justement. C'est bon. Alors que chez nous, c'est vrai. Marc, je veux savoir si c'était des groupes, des sociétés ouvertes, est-ce qu'il y avait du cosmopolitisme parmi eux? Parce que tout à l'heure, tu as fait la relation avec les places d'Akimbe, c'est-à-dire dans les zones autonomes temporaires d'Akimbe, c'est vraiment des sociétés ouvertes. Tandis que là, dans ce que tu décris de tes observations, ces groupes-là sont-ils des groupes ouverts, des échanges multiples? Oui, alors ce sont des groupes ouverts. Je vais donner aussi là une sorte de réflexion, d'exemple. On me demande souvent, là, quand j'étais chez ces gens, les Palawans, les groupes tribaux, est-ce qu'on fait accepter facilement? Est-ce qu'on fait accepter facilement? Et ma réponse, c'est qu'ils ne m'ont jamais accepté, parce qu'ils n'avaient pas à m'accepter. À partir du moment où je suis un être humain, qui est là, j'ai un droit d'exister à côté d'eux, exactement le même que celui qu'ils ont, leur famille, ils sont nés là depuis plusieurs générations. C'est que, dans la mesure où je ne les menace pas, je ne leur détruis pas leur récolte, je n'attaque pas leurs femmes, leurs enfants, etc., et je coopère, j'ai le droit d'être là. La question ne se pose même pas. Enfin, c'est des sociétés hyper ouvertes. Hyper ouvertes. C'est des sociétés dans lesquelles tout le monde peut aller. Tout le monde peut venir. Et ça les rend extrêmement vulnérables parce que c'est des gens qui pratiquent l'agriculture surbrûlée. C'est-à-dire qu'ils découpent un pont de forêt ou des friches en local terre, ils le mettent en culture un ou deux ans ou trois ans, et ensuite ils quittent sur le local terre et ils vont ailleurs. Bon. Mais ils ne possèdent pas le local terre qu'ils quittent. Il n'est plus à eux. Et quand des immigrants chrétiens sont arrivés, arrivent encore, ils disent, est-ce que je peux venir cultiver ce lopin de terre que tu ne cultives plus? Et ils ont dit, oui, bien sûr, pas de problème, moi je ne cultive plus, tu peux y aller. Et ces immigrants, ils venaient d'autres régions, avec justement des systèmes sociaux très hiérarchiques, etc., se sont donc fixés et se sont appropriés ce lopin de terre. Alors qu'il était interdit, mais impensable de posséder de la terre. Ce qu'on possédait chez ces gens-là, c'était les fruits de son travail. Les arbres fruitiers qu'on avait plantés pouvaient durer des années, et la récolte qu'on avait plantée la même année, bien entendu, vous appartenait. Mais pas la terre. La terre n'appartenait à personne. Et donc ce sont des sociétés ouvertes, parce qu'encore une fois, elles n'ont pas de frontières. L'idée de mettre des barrières, nous vivons dans des barrières, nous vivons dans des sociétés qui sont faites de murs. Nous vivons à l'intérieur de murs avec des portes qui sont verrouillées. Mais c'est le champ. Il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de mur, il n'y a pas de frontières. C'est des sociétés qui vivent sans frontières. Et donc ce sont des sociétés, par définition, complètement ouvertes. Aussi difficile soit-il d'admettre ce fait. C'est comme ça. Il n'y a pas de domination sur les femmes. Il n'y a pas de domination sur les femmes. Il existe le couple. Il y avait une question juste après. Du fait de l'échange qu'il y a eu, s'il y a eu l'échange, c'est-à-dire la vision que vous avez pu amener en étudiant, ou en regardant, observant, ou en vivant auprès d'eux, voilà ce qu'ils faisaient, est-ce que du coup, de leur côté, il y a eu une. Vu qu'en plus avec la société actuelle et tout ça, est-ce que du coup eux commencent à se sont posé des questions de théorisation justement de l'anarchie, de ce qu'ils vivaient en tant qu'anarchie, mais que du coup ils sont peut-être obligés de penser maintenant, de réfléchir à ce que c'est, je ne sais pas si je suis très claire. Comme vous, vous vous êtes interrogé sur le temps, c'est une société. Oui, certains, pas tous. Bon, forcément maintenant ils sont pris, certains d'entre eux, ils sont pris à l'intérieur société globale, qui est très hiérarchisée, qui est très organisée, avec son administration, etc. Et donc, ils glissent maintenant, forcément, dans un système qui n'est plus du tout anarchique. Donc, certains essaient d'y réfléchir en disant, la façon dont on vit avant, t'es mieux, etc. Mais je ne sais pas dans quelle mesure ils ont un intérêt pour la théorisation. C'est des gens qui n'aiment pas théoriser. Les choses comme ça. Mais il ne peut plus trop vivre. Il ne peut plus trop le. Non, je crois que maintenant c'est quelque chose de plus en plus du passé, mais il y a des groupes qui vivent encore comme ça, qui sont assez inaccessibles dans la montagne, que j'ai visité il n'y a pas longtemps, et qui vivent d'une façon extraordinairement traditionnelle, c'est incroyable. Ça existe encore. Vous savez, c'est vrai, des petites populations fragiles, vulnérables, qu'on peut maîtriser ou détruire militairement ou autre, de façon extrêmement facile. Mais, malgré tout ça, et puis, bien sûr, aussi en prise avec les forces de la modernité, du marché, du bien, etc. Mais malgré ça, il y a une résistance incroyable de certains civils et un maintien d'une vie traditionnelle qui est bien au-delà de tout ce qu'on pouvait imaginer. Quand je faisais mes études de théologie, on disait tel groupe, il sera mort dans 2 ans, 3 ans, mais ils sont toujours là. Et non seulement ils sont toujours là, mais ils n'ont pas besoin de donner des exemples, mais ils existent aussi dans leur monde à eux, dans leur monde à eux, qu'ils arrivent à préserver d'une façon absolument miraculeuse. Je ne sais pas comment ils font. Donc il ne faut pas sous-estimer la capacité de ces petites populations très fragiles à se maintenir dans une existence autre jusqu'à pas très longtemps. Oui, c'est par rapport au modèle familial. S'il existe le couple, comment cette ouverture dont vous parliez, si ça se traduit dans le couple, comment l'éducation des enfants, tout ça. Oui, alors d'abord, ça se traduit par la présence de l'école, hein, alors qui est à la fois bien mal, mais enfin c'est un bien, je pense que l'école leur permet de se socialiser, donc se défendre et de trouver les moyens de survivre dans une société qui les absorbe, hein, qui les noie. Donc, pour beaucoup, l'école est tout de même une porte pas de sortie, mais une porte vers quelque chose de meilleur et d'existence assurée. Quoi. Donc, forcément, l'école est très perturbatrice parce qu'elle va contre les pratiques habituelles. Il disait que les enfants s'occupaient de leurs petits frères et sœurs, les aînés s'occupaient de faire à l'école. Et puis, il fallait subvenir aux besoins de la famille, l'école est souvent loin, il faut marcher des heures, etc. etc. Enfin, bon. Donc, il y a une transformation de cette société par l'école, qui est souhaitée par les gens aussi, en grande partie. Moi, je ne suis pas en train de leur dire ce qu'ils doivent faire. Hein. Mais, à son côté perturbateur. Alors, par rapport à la famille, ils ont gardé des systèmes de relations familiales et de relations de parenté qui restent très traditionnels et qui maintiennent tout de même au centre de leur vie, de leur communauté, de leur vie collective, la famille individuelle, la famille domestique, de l'encadrement des enfants avec éventuellement des oncles, tantes, des cousins qui viennent se greffer. La famille domestique reste au pilier de leur vie collective. Je me demandais si ces groupes dont vous parlez, est-ce que de par le passé, ils étaient beaucoup plus importants et qu'ils sont devenus marginaux parce que tout a changé autour? Ou alors est-ce que c'était ça a toujours été des petits groupes marginaux, quoi, à côté de la culture générale, quoi. Enfin, c'est justement là qu'intervient le livre dont parlait tout à l'heure, c'est le livre d'un collègue américain, qui est un historien, qui a démontré très justement une chose qu'on savait, mais il a fait un tableau beaucoup plus général, systématique, démontré que les populations qui vivent justement comme dans les montagnes, dans les massifs montagneux, sont des réfugiés. C'est des réfugiés. Des gens qui viennent, en fait, pour la plupart, de côtières, des basses terres, et qui se sont réfugiés pour justement échapper à la domination, à la prise des groupes, qui, pour certains, étaient des groupes prédateurs. Ils ont été, ces groupes, en tout cas d'Asie du Sud-Est, qui vivent dans les montagnes, étaient des réservoirs d'esclaves. Au XVIIIe siècle, le marché européen demandait beaucoup, beaucoup d'esclaves. Donc vous aviez des groupes spécialisés, qui étaient islamisés, qui étaient dans le sud des Philippines, des groupes spécialisés dans la chasse aux esclaves. Alors ils allaient rasier ces groupes de montagnards, donc se protéger. Ils sont encore des réflexes de peur et de fuite par rapport à ça. Donc, depuis des siècles, ce sont des réfugiés, donc ils considéraient un peu comme des réfugiés, mais des réfugiés qui ont inventé une vie collective, une vie sociale, si vous voulez, qui est anarchique et qui correspond à des tendances profondes de tout être humain, peut-être. Donc, d'un certain point de vue, ce sont des groupes qui reproduisent quelque chose de très, très, très ancien, même si. une partie de leur population provient de l'Est. Ce dépend des régions. Vas-y. Comment avez-vous été amené à vous intéresser à ces groupes ? Par hasard. oui, parce que je me mettais ethnologue, je m'intéressais à l'Asie du Sud-Est, je vais à l'Indonésie, puis on m'a confié un poste aux Philippines, et puis j'étais pas arrangé. De fil en aiguille, on arrive à un lieu qui paraît intéressant et prometteur sur le plan de la recherche. Donc, mais je ne veux pas dire que j'ai décidé à partir de mes lectures en France depuis bien très court. J'y ai été amené comme ça. Mais j'avais un désir de faire. En fait, ce que je voulais faire, c'était un petit peu la théorie de la comparaison. Donc ça, je l'ai fait tout tardivement. Merci. D'autres questions ? Plus ? Alors on va se retrouver, on va continuer la discussion de manière plus informelle autour d'un verre à côté. Donc je voulais remercier Charles. Enfin, si j'avais une dernière question, est-ce que tu as prévu de nous écrire un livre en français parce que tout est en anglais et c'est pas toujours facile à lire l'anglais universitaire. Donc est-ce que tu as un projet de Ah oui, normalement j'ai un manuscrit là, mais il faut que je retravaille. Donc ça peut devenir un livre. J'ai fait des conférences à l'université populaire et chaque conférence est un chapitre de ce livre. J'en ai 10 le chapitre, j'en ai arrangé. Donc ces textes, vous les retrouvez, c'est anarcho-grégaire, je crois. Hein. Le mot-clé, si vous faites anarcho-grégaire, université, pays d'Aix, vous allez tomber dessus, c'est en 10 chapitres. Et puis le texte, là, j'en ai seulement une dizaine, ça vous servez. Ceux qui ne l'ont pas, je peux vous l'envoyer par mail, vous me laissez votre mail. De toute façon, vous pouvez laisser votre mail si vous voulez être informé sur ce qui se passe au CERA. Et Charles, merci d'être venu et bonne suite dans tes recherches et tes écrits. Merci beaucoup.